Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Donc le concept du sondage du jour, c'est où avez-vous trouvé votre amoureux? Et donc moi j'ai la réponse grâce à donc Randstad. Eh bien 7 belles sur 10 ont trouvé l'amour au travail. Ah ça ne m'étonne pas. Et oui, donc c'est pour ça que je disais qu'avec Julie nous allons enfin pouvoir officialiser notre relation. Ah d'accord, ok. Bah oui, oui, c'est vrai, dans l'absolu t'as raison. Ah bah voilà. Ah oui, ouais, bah oui, oui. C'est ça. Moi j'ai rencontré Chouchou en travaillant. Je suis le seul prétendant au travail, donc. Bah oui, oui, c'est vrai. Non mais non, parce que mon cœur est déjà pris, ça marche pour les gens qui sont célibataires. Oui, ton cœur peut-être. Ouais, ton cœur, ouais. Ah bah non, mais ça va, attends. Je sais bien quoi, il y a que le reste qui m'intéresse. C'est ça, hein. Lui, ça l'arrange, hein, si t'as déjà quelqu'un ou t'es amoureux. Non, mais ça va, voilà. Ça va, puis comme déjà, on dormira. Comme je préfère qu'on ne dorme pas ensemble, ça m'arrange vraiment. Non, voilà, mais... finalement, c'est une bonne affaire. Bon, bah, je propose qu'on appelle la fumale. Oui. Voilà, pour ça, voir ça, si. Ça, bon, ça la foutra peut-être. Oui, peut-être, justement. Oh, pour savoir où est-ce qu'ils ont rencontré leur amoureux, amoureuse. Si vous voulez répondre aussi à la question, n'hésitez pas. Donc, facebook.com/funradio. Allez, c'est parti, direction Fumal. Maintenant, vérification du sondage. Pas trop quand même. Allô? Oui, bonjour madame. Oui. Oui, bonjour. Voilà, en fait, je vous appelle parce que selon une étude, 7 Belges sur 10 auraient trouvé l'amour au travail. Oh, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous dites. Ben en fait, je voudrais savoir où est-ce que vous avez rencontré votre mari. Oh, pourquoi est-ce que vous demandez tout ça, bon? Ben, comme ça, pour savoir. Oh, ben, écoutez, de toute façon, je ne vous dirai pas et je ne répondrai pas, ça va. Ah oui, vous préférez répondre en présence de votre avocat, peut-être? Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que vous dites. De toute façon, laissez-moi tranquille. On est trop tôt au matin pour parler avec des personnes, hein, avec des vieilles personnes surtout. Oui, oui, oui, je comprends. Et donc votre mari, alors vous l'avez rencontré où? De toute façon, je vous ai dit, je ne vous répondrai pas. D'accord, d'accord. Et je raccroche tout de suite, hein. On n'entend pas parler pas facile, des personnes ici à 6h au matin. Hein. Mais pourtant vous m'entendez là. Des personnes surtout. Oui, mais vous m'entendez là. Oui, je vous entends. Oui, donc vous m'entendez. Oui. Donc voilà, donc il n'y a pas de problème, on peut se parler. Non, de toute façon, ça va. Oui, ça va bien, et vous? Merci, je ne réponds plus, je raccroche. Ah oui, mais enfin, elle n'a pas répondu, du coup. Bah oui, il faut la rappeler. Bah oui, bon, on va rappeler encore une fois, tiens. Hop là, avant qu'elle se rendorme, justement, c'est reparti. Ouais, parce qu'après, une fois qu'elle va se rendormir, après, elle va dire qu'on l'a dérangée, ce qui n'est pas faux dans l'absolu, mais... Je crois que c'est déjà fait, tu sais. C'est vrai. Allô? Oui, excusez-moi, nous avons été coupés, vous n'avez pas répondu à ma question. Mais pourquoi est-ce que vous me posez toutes sortes de questions ainsi à 6h au matin comme ça? Mais en fait, je ne vous pose pas plein de questions, je vous en pose juste une, je veux juste savoir où vous avez rencontré votre mari. Il était soldat avec mon cousin. Ah, donc vous avez fait l'armée? Oui. Voilà, donc vous l'avez rencontré au travail? Oui. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Pourquoi est-ce que vous me téléphonez pour ça, donc? Ben comme ça, pour savoir. Vous ne voulez pas dire qui vous êtes? Ah si, je suis Tof. De toute façon, je ne vous connais pas. Ben non, c'était juste pour savoir. Ça va. Voilà, allez, une bonne journée, hein, madame. Merci. Bon ben voilà. Ben voilà. Oh, ben maintenant, on n'en saura plus. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Max. Tous les matins, j'écoute cet enculé de Mickaël à la radio. C'est bon, mais quel enculé celui-là. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Le Free Code Game sur Fun Radio, c'est parti. Vincent, tu vas devoir choisir entre 4 séries de questions. Petit paquet, grand paquet, deux rooms ou alors mitraillette, ça va des questions les plus faciles avec les petits cadeaux aux questions les plus compliquées avec les gros cadeaux style écran plat par exemple. Tu choisis quoi, Vincent? Le gros, la mitraillette. Eh oui, c'est un gourmand. Eh oui, t'es un gourmand. Bon, eh ben écoute, on va y aller, Vincent. Je vais te poser 5 questions. Si tu fais minimum 3 sur 5, c'est gagné, d'accord? Ça va, super. Et il faut répondre du tac au tac. Vincent, on y va. Première question. Sur un clavier, quelle est la touche la plus en haut à gauche? A. A, non, perdu. C'est ESC, Escape, Échappe. Voilà. Ouais. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, pas de chance. Selon notre interprétation du calendrier Maya, que doit-il se passer le 21 décembre 2012? Facile. La fin du monde. Bonne réponse. Combien y a-t-il de semaines dans 2 années? 104. Bonne réponse. Wow. De quel groupe Redfoo est-il le leader? Vince s'est déguisé en lui il y a quelques semaines. Enfin, non, c'était l'autre. Ah oui, c'était l'autre. C'est vrai, autant pour c'était moi. C'était Blue, je sais plus quoi. Blue, Sky Blue. Ouais. Tu disais quoi? Et les MFAO. Bonne réponse. Et enfin, qui sont les snorkies? des trucs aquatiques, des... Non, t'emballe pas. On n'en sait toujours rien à l'heure actuelle. Hein. On ne sait pas. Des aquatiques quand même. Bon, quoi qu'il en soit, 3 sur 5. Eh ben voilà. Ce qui te permet de repartir avec l'écran plat, tablette numérique ou smartphone. Tu choisis quoi, dis-moi? Tablette numérique. Eh ben voilà, c'est pour toi Vincent, pas de problème. Super. Eh ben je t'en prie, bonne journée, à bientôt. Salut. Allez, ciao à toi. Bon ben voilà, vous voyez hein, c'est jouable. 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et la journée internationale de Pierre aujourd'hui, c'est quoi? Eh oui, vous le savez, les examens approchent. Hier, oui. Pierre essayait de tenter une magouille pour reporter l'examen, ça n'a pas marché. Et donc là, aujourd'hui, il a un nouveau système maintenant pour tricher aux examens. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore? C'est la tricherie aux examens, il a décidé d'appeler les professeurs pour dire que c'était des Mongoliens. Alexandre Gouffy, bonjour. Oui, bonjour. C'était juste pour vous dire que vous êtes trop bêtes tous. Écoutez, j'ai pas très bien saisi tout ce que vous dites là. Vous êtes très bête parce que les titulaires ne voient jamais quand je triche. Et je fais que tricher tout le temps. C'est bien gentil de votre part de le dire. Ah bah c'est la moindre des choses, hein. Et puis en même temps, je suis honnête. On va leur demander de faire plus attention alors. Ouais, si vous voulez, mais ça servira à rien. J'ai mis au point une technique imparable. J'ai un kit Bluetooth relié directement dans mon oreille interne. J'ai un écran LCD dans ma trousse. C'est bien, c'est honnête. Et c'est pour ça que je suis moins bête que vous. Ça, c'est certain. Parce que vous ici, vous avez pas inventé la poudre, hein. Ne t'inquiète pas, mon bonhomme, toi non plus. Athénée Ruel de Soigny, bonjour. Oui, et vous savez ce que j'ai inventé comme triche? Non. L'infographie sous-cutanée. J'ai scanné tous mes cours sur mon corps et il n'y a que mes yeux parce que je les ai équipés de lentilles au rayon X qui peuvent les voir. Tiens, vous êtes fort, hein. On devrait vous engager dans les films de James Bond. Et j'ai aussi les gros classiques, hein. La calculette pleine à craquer. Ouais, elle est tellement pleine qu'elle a craqué. Ouais. Oh bah ça c'est drôle, je me gratte le bide, je vais rigoler. Grattez-vous le bide. Et je me gratte le bide, je rigole. Si vous venez encore, j'ai encore quelques cacahuètes pour vous. Oh mais qu'est-ce que vous êtes drôle. On est en train d'enregistrer, on va essayer de repérer l'appel. Ah bah comme dans les films de James Bond. Continue. Il y a le collègue derrière. Encore 5 secondes. C'est bon? Ah oui, bah non, on va pouvoir appeler les flics. Voilà, c'est bon. Ah bah vous êtes des sacrés bons acteurs. À bientôt. Salut les comédiens. Allez, à la voyure, hein. Oh là là. Salut, hein. Tapis rouge. Ciao. Vous avez pas raccroché? Le téléphone. Si, mais il faudrait alors vraiment appeler les flics. Bande de menteurs. Le téléphone. Ah, c'est pas vrai. Salut mon gros. Et voilà. Comme quoi. Ah, si et ça, il était à la télé royale de Soigny. Hein. Ah oui, le coup du. Il reste 5 secondes. 5 secondes. Pour repérer l'appel. Allez, c'est bon, on peut appeler la police. Voilà, si vous êtes à la télé royale à Soigny, dites-leur. Hein, c'est des bons acteurs. Hein. Franchement, là, ouais. Je pense que si et ça, ils peuvent les recruter. Tous les matins. 6h, 6h30. C'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il faut. Florian qui est avec nous maintenant. Bonjour Florian. Salut. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, Florian. Comme une fin de semaine avec le plein soleil pour l'instant, donc c'est cool, faut en profiter. T'appelles de Chenet, t'as 22 ans, t'es menuisier, Florian, et tu vas jouer au Cerevo. Oh merde, c'est dur quand même, 3 fois d'affilée comme je le dis. Ni oui ni non, ni vous verrez bien, voilà, c'est ça. Bon, Florian, attention, une minute, d'accord? En une minute, il va falloir répondre correctement aux 5 questions du Cerevo plus intelligente qu'une Miss. Non, c'était la vanne, ça. Mais tu vois, je lui ai même pas percuté. Moi, je dis plus rien, je te laisse dans tout. Mais oui, c'est ça, elle était sur son iPhone, donc forcément, elle pouvait pas être concentrée sur tout. Elle est sur son iPhone. Elle est sur son foulard. Ah, sur mon foulard. Oui, elle caresse son foulard, elle se dit, mon quel beau foulard. Mais oui. Oh, qu'est-ce qu'il est joli. Bon, un cadeau de chouchou. Non. Une minute pour. Une minute pour discuter avec Julie. Une minute pour lui faire dire oui, lui faire dire non ou lui faire dire du. D-U. D'accord. Ça, c'est dur, ça. Bah oui, je suis bien. Ça, je pense. D-U, du, tu peux pas. pas dire du lait, tout du ça, pain. Machin, tu peux pas. D'accord. Et il y a un cadeau supplémentaire si tu arrives à lui faire dire des choses sur Chouchou. Et oui, en plus, oui. Bah, allez, on y va. Attention, Florian, ni oui, ni non, ni du. Une minute pour avoir la conversation la plus naturelle possible. C'est parti. Florian ? Julie. Ça va ? Bien, toi ? Très bien, merci. Tu vas faire quoi aujourd'hui ? Bosser. Tu travailles où ? À Sora. Dans une maison ? Et toi, tu vas faire quoi aujourd'hui ? Travailler aussi. Je vais à Chauxfontaine. À Chauxfontaine ? Tout à fait. C'est loin. Tu as déjà faire été ? Quoi ? C'est pas loin de chez moi. Pardon ? C'est pas loin de chez moi. Chauxfontaine, c'est pas loin de chez lui. D'accord. Pardon. Tu habites où ? À Tessy. À Chesnay. Depuis longtemps ? Depuis tout petit. Ça te plaît ? Et toi ? Eh, bah, pas bon, il faut parler maintenant. Ouais. Pose des questions ? Mais je te pose des questions, toi, tu viens d'où ? Eh ben voilà ! Malheureusement, pas de cadeau bonus. Ni de cadeau tout court d'ailleurs. Bien joué, puisque... tu t'es bien défendu. Eh oui, mais malheureusement, ça ne permet pas de repartir avec le cadeau, puisque malheureusement, tu n'as pas réussi à lui faire dire ces trois mots, elle non plus. Donc vous vous êtes, comme on dit, neutralisé, ce qui veut dire qu'il y a aucun cadeau qui s'en va. C'est dommage, mais tu t'en vas quand même la tête haute. Oui, malgré franchement, tout. Bien joué. Ouais. Voilà, tu n'as pas perdu et ça c'est bien. Bon, ben Florian, tant pis. Hein. C'est pas grave, tu reviens quand tu veux. Bonne journée. Y a pas de problème. Salut Florian, à bientôt. Bonne journée à toi. Salut tout le monde. Bonne journée à tout le monde. Ciao. 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio. On Fun Radio.